De l'abbé Maurice Barthélemy Bélière à Mère Marie de Gonzague. Extrait de sa lettre du 15 juillet 1897. Jeudi 15 juillet 1897. Langrune, 16, rue de la Mer, Calvados. Ma bien chère et vénérée mère, comme toujours votre lettre est venue m'apporter grande joie, cette fois pourtant, grande tristesse aussi, ma chère sœur est malade, gravement peut-être et ses pressentiments elles-mêmes vont peut-être se réaliser. Si je n'avais craint de vous importuner aussi quelques voyages m'empêchant, je serais venu demander de ces chères nouvelles. Oui, ma bonne mère, faisons violence au ciel pour conserver ce trésor, mon ange gardien à moi, et aussi l'ange du Carmel, ainsi que vous dites. C'est vous dire, mère, que je prie ardemment pour son retour à la santé avec confiance, quand je crains d'être égoïste, ou au moins d'avoir une intention trop personnelle. Je représente à notre Seigneur tout ce bien qu'elle répand autour d'elle et qu'il ne peut briser tant de promesses et une si admirable charité. Si vous le pouvez, ma mère, dites-moi bientôt quel succès obtiennent nos prières et ce que le docteur espère. La chère sainte, dans son dernier mot, ne me parle aucunement de sa souffrance, elle est heureuse sans doute. Loin de me malédifier de votre demande, ma bonne mère, je n'y trouve qu'une marque de plus de votre tendresse maternelle, et je serais heureux de pouvoir ne pas en retarder la réalisation. Ma photographie, je n'en ai aucune de moi en soutane, et je ne veux pas songer à vous envoyer un grand bonhomme en habit noir, ou en militaire avec des moustaches. Avant de partir pour le noviciat, je tâcherai de vous faire plaisir. Pardon, mère, encore une grâce. Si Dieu prenait ma sœur, je voudrais avoir quelques souvenirs d'elle. Voulez-vous avoir la bonté de lui demander de me faire quelque chose de ses mains, ne fût-ce qu'un sacré cœur ou un scapulaire brodé, une image peinte, n'importe quoi, quelque chose d'elle. Comme aussi si ce malheur nous arrivait, je vous demanderais quelque chose lui ayant appartenu que je conserverais comme une relique, son crucifix ou son chapelet, par exemple. Marc M. Dan, archive.org. D'après Archive Carmel de Lisier.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.